Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Les Retours du passé, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que plus de 70 ans après la fin de la guerre, les derniers témoins commencent à disparaître et que de plus en plus se pose la question de comment raconter et transmettre la mémoire de la Shoah. Mais avant tout, il faut continuer à écouter ceux qui se souviennent encore. Et dans vos oreilles aujourd'hui, une fillette et sa poussette, un ours perdu, un homme qui ne devrait plus être là, une clameur terrifiante et une fille cachée pendant des mois avec sa mère qui parfois se résignait à prendre le risque de l'emmener courir dans la forêt. Mais pour commencer, premier épisode, les souvenirs remontent. L'angoisse était présente. J'ai tout de suite senti ça, dès l'âge de 6-7 ans, il y avait comme s'il y avait une angoisse palpable, comme une vibration de l'air. Cette oppression physique que l'on ressentait en Allemagne. Et tout à coup, il y a des moments effroyables, où le chagrin absolu vous submerge, comme de savoir je devais abandonner mon vélo. Il y a des tas de petites choses comme ça. Et surtout, ce qui me frappe aujourd'hui encore, c'est mon départ. Et je me souviens exactement de l'odeur du compartiment. Il y avait encore les fenêtres qu'on tirait avec une lumière en caoutchouc, puis ça tombait dans... puis il fallait les remonter. Je me souviens exactement de la fenêtre, de la lanière de cuir, de l'odeur. Le voyage de départ est inscrit en moi à tout jamais. Je savais, à ce moment-là, il y avait ça derrière moi pour toute ma vie. Et ça y est encore, ça. C'est très curieux. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'abandonner ma poussette. J'avais seulement pu prendre mon nounours. C'était le seul jouet que j'avais eu le droit d'emporter. Peu de temps avant, on était venu prendre mon grand-père. Les nazis étaient venus le chercher. J'ai encore un souvenir très clair de cette scène, évidemment. On était en hiver. Je revois encore mon grand-père mettre son manteau. Et puis, quelques jours après, on a sonné à la porte. C'était un couple. Ma mère les a fait entrer. Ils avaient sur eux une attestation de la mairie. Si notre appartement leur convenait, ils pouvaient s'y installer. Pour moi, c'était une chose absolument inconcevable. Être obligée de tout laisser, mes poupées, mes nounours, mes bébés, ma poussette, tout abandonner. J'avais 9 ans, 10 ans à peine. J'étais encore petite. La seule chose que je revois, encore très nettement, c'est ma poussette. Nous, nonagénaires, qu'on le veuille ou pas, nous avons été amoindris par le nazisme. Moi, j'ai vu la dictature. C'est-à-dire, même les arbres ont peur. La peur est dans tout, elle est partout. Hein. Une peur qui vous ne mord pas, mais qui est en vous, qui est comme une substance en vous. L'hitlérisme a détruit la substance intime des gens qui y ont survécu. C'est vraiment la destruction absolue. Et ça, c'est fondamental pour le siècle passé. Et peut-être pour celui qui est en train de venir. Les retours du passé. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. C'était... Je ne sais plus. J'ai oublié son nom. Il est toujours. C'était un célèbre. C'est de lui. Schindler's Liste hat er gemacht. La liste de Schindler. Exercice de mémoire. Que se passera-t-il quand ils ne seront plus là? Ils se souviennent encore une fois. Bruit, odeur, couleur remontent à la surface. Des petits cailloux jetés contre l'oubli, pour nous, nous qui venons après. Ça y est, ça me revient, c'est Spielberg. Il doit encore être en vie, je ne sais pas. Spielberg avait créé une fondation, la fondation Spielberg, qui recueillait des témoignages de survivants. J'avais décidé de m'inscrire parce que je faisais moi aussi partie des survivants. Une journaliste et un caméraman sont venus chez moi. Ils étaient deux. Ils ont commencé à m'interroger. C'était la toute première fois que je racontais mon histoire d'un bout à l'autre, en répondant à des questions, comme je le fais avec vous à présent. Encore aujourd'hui, j'ai la gorge serrée. Je dois toujours avoir un verre d'eau près de moi au cas où je me mette à tousser. C'était une époque très difficile, cette enfance. Et elle est restée gravée à jamais. J'avais un peu plus de 50 ans à l'époque de cette interview. J'en ai aujourd'hui 92. Il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui peuvent raconter ce qu'ils ont vécu. Moi-même, je n'en suis presque plus capable. Je n'y arrive plus. Nous sommes vraiment les tout derniers. Mais malgré tout, même s'il m'est extrêmement difficile de parler, même si je ne peux plus dormir après, je le fais, malgré tout. parce que je me sens obligée, vous voyez. Il le faut, je dois le faire. Et je n'ai jamais refusé quand on me l'a demandé, jamais. J'ai toujours accepté. Ce à quoi peuvent aboutir ces exercices, ce que j'appelle ces exercices de mémoire, c'est à une remise en marche du temps. Faire ressurgir des moments du passé. Et assez souvent, des moments douloureux, des moments oubliés, ou prétendument oubliés. Bon. Si vous reprenez Shoah, le film de Lanzmann, qui est absolument central dans toute cette affaire, puisque c'est un film sur la mémoire. C'est atteindre la mémoire. Et le moment peut-être le plus fort du point de vue de la mémoire, cette mémoire empêchée, c'est quand il y a la scène avec le coiffeur. Bomba, dans le salon de coiffure à Tel Aviv, ou à New York, je ne sais plus, enfin, peu importe, et où Bomba coupe des cheveux, hein, refait des gestes de coiffeur, ce qu'il faisait quand il était à Auschwitz, sur les têtes de ceux qui allaient entrer dans la chambre à gaz, dans les Sonderkommando. Et c'est à ce moment-là, en faisant ces gestes-là, que Bomba retrouve la mémoire, d'une certaine façon, hein. Et à plusieurs reprises, il dit « c'est pas possible, je veux pas arrêter, enfin, c'est extrêmement douloureux. Bon. » Et Lanzmann dit « non, non, continuez, il faut. Bon. » Et là, c'est le surgissement de la mémoire. Mais au prix d'une douleur extrême, il entre dans son être de témoin. Et la montée de la mémoire, la montée de la figure de la victime et montée de la figure du témoin marchent ensemble. Je m'appelle George Arthur Goldschmidt, en réalité Jürgen Arthur, parce que je suis né près de Hambourg, à quelques kilomètres de là, à Rheinbeck, im Hallstein, ça s'appelle. Je suis né en 1928, donc j'ai 93 ans et plus, et j'ai grandi dans une Allemagne telle que l'a décrit Thomas Mann. J'ai vécu une enfance de bourgeois allemand, et sous la menace permanente de l'oncle Jaune, comme on dit en allemand, la baguette de bambou pour fouetter les enfants. Les enfants allemands ont grandi sous cette permanente menace. C'est une enfance inquiétante et inquiétée. Il n'y a pas eu d'enfant éduqué de façon plus allemande que moi. Ma mère, qui était une immense pianiste pendant un quart d'heure, et puis après, c'était le désordre absolu. Et j'ai été élevé dans le protestantisme le plus allemand qui soit. Et tout cela dans ce paysage allemand typique, le vent, les nuages, les grands êtres et les lointains. Mes parents se sont passionnément gardés de me dire quoi que ce soit de mes origines. Je m'appelle Dr. Lucia Heilmann. Je suis née le 25 juillet 1929. J'ai 92 ans. Ma mère est originaire de Galicie. Elle était venue à Vienne avec ses parents parce qu'ils avaient dû fuir les pogroms antisémites en Galicie. J'ai grandi dans le 20e arrondissement, dans un quartier pauvre de Vienne. Nous vivions dans un tout petit deux pièces avec l'eau sur le palier, dans un espace très exigu. Ce n'était vraiment pas le paradis. L'endroit était très sale. Les conditions de vie pauvres, extrêmement pauvres. Et cette pauvreté, quand on était enfant, on la sentait. Je ne sais pas si on peut dire qu'on se sentait quand même en sécurité. Mais la peur, elle est arrivée uniquement avec Hitler. L'angoisse était présente dès 34. D'ailleurs, les gens se retournaient constamment pour savoir si on les suivait. Il y avait quelque chose d'étrange. Il y avait toujours quelqu'un qui était arrêté. Schweigen, il fallait, on se taisait. Et il y a le silence des gens qui avaient peur. Dès 36-37, ça commençait. Le comportement physique des gens n'était plus le même qu'avant. Il y a une espèce de raideur, une espèce de méfiance, une méfiance corporelle. Et tout le monde dénonçait, tout le monde, évidemment. Et vous ne pouvez plus rencontrer quelqu'un dans la rue sans qu'il lève le bras et crie « Heil Hitler ! » Hein ? On n'avait plus le droit de dire bonjour. Hein ? C'était l'horreur absolue. Moi, j'entendais parler l'allemand. Avec la poitrine, qui aujourd'hui l'allemand est une langue douce, adoucie, qui se civilise peu à peu. Mais dans mon enfance, c'est vraiment une langue brutale et crachée. Hein? Heil Hitler, hein? C'est une langue criée. Le Führer est hier. L'enfance a été détruite et domestiquée. Ces voix, elles sont restées gravées. Elles sont restées gravées pour toujours dans ma mémoire, dans ma tête. J'entends toujours ces voix qui crient « Heil, Heil ». Ma mémoire ne les a pas occultées. Au contraire, elle les a intensifiées. C'était le 12 mars 1938. Les troupes d'Hitler avaient envahi l'Autriche. Le jour même, ou le suivant, Adolf Hitler était venu à Vienne pour faire un discours sur la place des héros. Des milliers de personnes affluaient sur le Heldenplatz. J'étais une petite fille de 9 ans à l'époque, extrêmement curieuse. Je voulais savoir, moi aussi, ce qui se passait. Je suis donc à mon tour sortie et j'ai filé en direction du Heldenplatz. Le nombre de gens rassemblés sur la place était absolument impressionnant, inoubliable. Je revois encore tous ces gens massés sur le Heldenplatz, les yeux levés vers le balcon où se tenait Hitler. Il y avait tellement de monde que des gens avaient grimpé dans les arbres pour apercevoir le balcon. Et toujours ce mot « Heil, Heil ». Das wurde ununterbrochen skandiert. Scandé par la foule. Dieses Schreien und dieses Heilschreien. Entendant tous ces cris, tous ces hurlements, das hat mir sofort j'ai immédiatement été saisie de peur, d'effroi. Und war so beeindruckend, et j'ai compris dans l'instant gewusst habe, das geht gegen mich, das que c'était tourné contre moi. Man hat diese Hassstimmung Il y avait une telle atmosphère de haine que même un enfant pouvait la ressentir. Tout à coup, en 38, on nous a dit, il faut que vous partiez. Et mon frère et moi, nous sommes partis pour Florence, en Italie. Je suis arrivé en France en 1939. Et j'avais une lointaine cousine très riche qui s'est occupée de nous. Et elle nous a mis dans une maison d'enfants. J'ai fait 8 ans d'internat. Et ma mémoire a effacé tout. J'étais beaucoup battu, on me privait de manger, on me tapait sur les doigts. Je n'ai aucun souvenir vraiment précis des années 41-42. En 43, la persécution commence vraiment. Alors là, je me souviens de tout. On m'a expié dans une ferme lointaine où je suis resté caché jusqu'en juin 44. Et sur un petit, très petit sentier qui montait jusqu'à la route, 3 Allemands, la mitraillette pointée sur moi. Et curieusement, le jeune officier qui les commandait passe devant pour me laisser la place. Mais la peur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous regardez les interstices entre les racines des arbres où vous pouvez vous casser dedans. Mais avec une objectivité absolue. Vous savez tout, tout, tout. Plus vous avez peur, plus vous notez de choses. C'est très, très étrange. Une espèce d'exactitude qui est le propre de la peur. Ça. La peur, c'est ce qu'il y a de pire. La peur physique, c'est... Je la souhaite à personne, même si j'avais un ennemi, je ne le souhaiterais pas. C'est épouvantable. Parce qu'on est bête, on est réduit à l'animalité totale. La peur réduit l'homme à l'animal. C'est terrible. On a commencé par rassembler tous les juifs dans des appartements collectifs. Et puis on leur a dit qu'ils devaient quitter le pays. La Hongrie n'était pas encore occupée à l'époque. Certains passaient par des filières clandestines pour fuir illégalement en Hongrie. Ma mère aurait bien aimé le faire, elle aussi. Mais le chemin devait se faire entièrement à pied. Ce qui semblait impossible avec un enfant de mon âge. C'est à ce moment-là que Reinhold Tutschka, un ami de mon père, a décidé de nous cacher, ma mère et moi, dans son atelier. C'était très risqué. Reinhold avait donc pris toutes les précautions nécessaires et nous avait fabriqué une grande caisse. Dès que quelqu'un sonnait à la porte de l'atelier, on rampait dans la caisse. Et c'est là-dedans aussi que nous passions la nuit. J'ai eu 11 ans, puis 12 ans, puis 13 ans. Das sind Jahre, in denen man Spaziergänge macht, in den Wald läuft. L'âge où les enfants vont se promener et courir dans la forêt. Es war also für mich eine ungeheure seelische Belastung. L'impact psychologique était énorme. Quand ma mère s'est aperçue que je ne riais plus et que je ne parlais plus, elle a décidé de me sortir de l'atelier et de m'amener dans la forêt viennoise. Je n'avais eu le droit que de courir. Et cela avait suffi à me procurer un indescriptible bonheur. Je pouvais courir, courir, courir. J'allais et venais dans un sens et puis dans l'autre, juste pour savourer le bonheur de courir, le fait d'être en mouvement. Très peu de temps après, les avions sont arrivés et ont lâché leurs bombes. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten als Führer. Бойцы прославленных сталинградских дивизий уже в черте города. Внешний оборонительный пояс Табешта опирался на сеть пригородных, шоссейных и железных дорог. На высоких домах и колокольнях вражеские огневые точки. Je m'appelle Peter Nadasch, j'ai presque 80 ans. Je suis né à Budapest en 1942. Ma toute première sensation remonte à l'âge de 2 ans. C'est la guerre, un bombardement. Ma mère me prend dans ses bras. Nous descendons un escalier en courant pour nous réfugier à la cave. À cet instant précis, une bombe éclate. Et c'est là que commence mon premier souvenir. Dass der Wand ist zusammengebrochen. Le mur de la maison était sans doute en train de s'effondrer, brennte, car on voyait tout brûler. Brannte alles. Ein unglaublicher Brand. Tout était en feu. Und wir sind mit meiner Mutter wie geschleudert von der Treppe geschleudert auf diesen zusammenfallende Wand. Ma mère et moi, nous avons été comme propulsés du haut de l'escalier geprallt, contre ce mur qui s'effondrait. Dann Schnitt. Puis, plus rien. Cut. Wahrscheinlich habe ich mein Bewusstsein verloren. Mais j'ai sans doute perdu connaissance à ce moment-là. Das ist meine erste Erinnerung. C'est le tout premier souvenir que j'ai de mon enfance. Natürlich ist dieses Kind. Cet enfant est toujours là, bien sûr. Dieses Kleinkind. Il est toujours en moi, je ne peux pas m'en détacher. Ich kann davon nicht mich loslösen. Und dadurch verstehe ich, car je parle ici des souvenirs que je n'aurais pas dû avoir. Un enfant de cet âge n'a en principe aucun souvenir. Ce sont des souvenirs qui ont laissé des traces, qui ont considérablement marqué ma façon de percevoir et de concevoir le temps. À Vienne aussi, il y avait chaque jour une attaque aérienne des Alliés. Je me souviens d'une attaque un dimanche. Ce jour-là, ma mère m'avait dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Cette fois-ci, on descend à la cave. Elle m'avait pris par la main. Je sens encore sa main qui me tire pour me faire descendre les marches. Nous étions encore dans l'escalier quand la bombe est tombée sur l'atelier. Il y avait énormément de poussière partout. On n'y voyait plus. Le bruit des bombes qui tombent, ça aussi, ça reste gravé dans la mémoire. Une fois dehors, on a compris que toute la maison avait brûlé. Tous mes ours en peluche, tout ce qui me restait, tout avait brûlé. C'était l'horreur, le choc. Et où allions-nous aller? C'est le séjour dans la cave qui a été le moment le plus marquant pour moi, je crois. Une cave, ça a toujours une odeur particulière. L'odeur de cave, je ne supporte pas. Reinhold nous avait donc cachés, ma mère et moi, dans une cave d'immeuble. C'était un endroit très sale à cause du charbon, mais on s'est quand même assises à même le sol. Nous n'avions pas le droit d'échanger un mot. Cela a duré 4 mois. 4 mois restés comme ça, assises dans cette cave, sans parler. C'est ma mère qui me l'a raconté après. J'étais tellement choquée que j'avais complètement perdu la parole. Nous avons donc passé les derniers mois de la guerre enfermés dans cette cave, jusqu'au jour où Reinhold, entendant dire que l'armée russe entrait dans Vienne, est venu nous chercher. Il nous a fait sortir et là, nous avons vu les soldats russes dans la rue. Inutile de dire que les larmes ont coulé à flot. Ma mère et moi, nous savions que c'était la fin de ce régime hitlérien. La libération, le fait d'avoir survécu, mais avant tout cette peur qui vous tombe soudain des épaules. unvorstellbares Gefühl gewesen. Ja. C'était un sentiment inimaginable. Le bonheur d'être libéré est indescriptible, avec toujours cette conscience terrible, cette effroyable injustice de qui meurt et de qui survit. Moi, je suis là, j'ai aucun droit. Il est scandaleux que je sois là. Je bavais d'honte de savoir que moi, j'étais luxueusement là, favorisé, alors que j'aurais dû, moi aussi, être gazé. C'est parfois difficile. Et en même temps, on éprouve une satisfaction perverse et cynique à être là. C'est assez effroyable, au fond. Vous savez, quand on est libéré, c'est comme si on voulait repousser le plus loin possible toutes ces périodes terribles. Tout ce passé, toute cette misère, ce qu'on voulait, c'était vivre. Et vivre, c'était être joyeux. J'étais une toute jeune femme à l'époque. Ce que je voulais, c'était aller danser, aller au théâtre. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette partie-là de ma vie, qui était déjà loin pour moi et que, Dieu merci, j'avais surmonté. Vous me laissez tout songeur, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Les premières photos que j'ai vues et qui aujourd'hui encore sont présentes en moi, où on voyait l'intérieur d'un Buchenwald, quelqu'un qui est couché avec un regard, ce grand regard vide et désespéré des déportés, sur un bas-flanc avec quelqu'un derrière est d'une maigreur effroyable. C'est une photo qui était à cette époque-là extrêmement célèbre. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de surtout ne pas y penser. Et c'est seulement progressivement que j'ai pris peu à peu conscience. Mais je me suis protégé. Je m'appelle François Hartog. Je suis né en 1946, peu de temps après la guerre. Je suis contemporain exact de Nuremberg. Bon, évidemment, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Ce n'est que longtemps après. Mais je pense que ça signifie quelque chose pour moi, rétrospectivement. Je suis né en Savoie. Ma mère est venue se réfugier là, tandis que mon père était prisonnier. Mon père ne m'a jamais raconté de manière précise ce qu'il a connu, vécu quand il était prisonnier. C'était comme ça, quelques allusions, mais rien de plus. Donc on n'en parlait pas. Et c'était le cas dans beaucoup de familles. Ça pesait néanmoins. Mes parents, la génération de mes parents, ils ont connu, enfant, la Première Guerre mondiale, et jeune adulte, la Seconde. Bon. Donc ils ont vraiment, leur vie ont été marquées profondément, douloureusement, par les guerres. Bon. Donc eux, ils aspiraient, bien évidemment, à pouvoir recommencer quelque chose. Mes parents se sont mariés en 1939, ils se sont revus en 1945. Je veux dire, c'est quand même des choses dures. Bon, ils se sont retrouvés, enfin, beaucoup ne se sont pas retrouvés, précisément. Mais voilà. Alors, je pense qu'il y avait d'une part le fait qu'ils ne voulaient pas évoquer ces périodes, qu'ils avaient du mal, eux-mêmes, probablement, à en faire quelque chose, à les inscrire dans leur vie. Et puis, ils voulaient regarder ailleurs. Les gens, vous savez, en Allemagne, ils n'avaient rien vu. On ne sait rien. On ne sait rien. C'est terrible. Et je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Le nazisme comportait sa propre négation. Il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. On ne sait rien. On ne sait rien. Or, tout le monde savait tout, sans rien savoir de précis. Et toute l'Allemagne, je ne dis pas qu'elle était complice, l'Allemagne était totalement marquée par ça. On ne peut pas parler de ça. C'est étrange que je ne me souvienne pas de la guerre. Pourtant, elle revenait constamment dans mes rêves, cachée sous les ponts et les tunnels. Ce sont des souvenirs fascinants, ces premiers souvenirs d'enfance, toutes ces traces de la guerre. La guerre était encore là. Je la sentais dans l'air, cette présence des troupes, des chants, des soldats qui défilent. Et ces traces encore visibles de l'inquiétude humaine. Je m'appelle Christian Lupa. Je suis né en 1943, deux ans avant la fin de la guerre. Je n'ai aucun souvenir de troupes russes qui traversent la Pologne. Mais à ce qu'on m'a dit, je les appelais tous papa. J'ignore pourquoi. La nuit, des bandes sillonnaient les rues et entonnaient des chants sauvages. Un jour, alors que je me promenais avec ma mère, on a croisé un homme éclopé assis sur une charrette. Ma mère m'a dit, c'est l'homme le plus dangereux de la ville. Il ne faut jamais lui parler. J'avais l'impression que mes parents cherchaient à tout prix à me couper de cette réalité. Parce qu'ils voulaient couvrir leur propre faute. Et que, en ce moment, nie wiem, czy jakby powiedzieć, chronili własną winę, czy... Ou qu'ils cherchaient à dissimuler le fait qu'ils s'étaient toujours adaptés et qu'ils s'adaptaient une fois encore à cette nouvelle réalité. Nowej, kompletnie nowej rzeczywistości, nagle, jakby powiedzieć, qu'ils acceptaient ce saut brutal dans le communisme, dans cette réalité post-allemande, post-niemiecką, post-faszystą. Post-fasciste. Je m'appelle Reinhard Kaiser-Müllecker. Je suis né pas très loin d'ici, à Kirchdorf an der Krems, dans les montagnes, à 200 km à l'ouest de Vienne et à 100 km à l'est de Salzbourg. Et ici, c'est le village où se trouve la ferme que j'exploite avec mes parents. Eine Ahnung von etwas wie Geschichte hatte ich, glaube ich, als Kind. nicht und auch sehr lang später noch nicht. Quand j'étais enfant, je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvait être l'histoire. Wie die Vergangenheit ungefähr gewesen sein muss, im Detail kannte ich sie nicht, kenne ich sie auch nicht. Et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Je n'avais aucune connaissance détaillée du passé. Also niemand konnte mir erzählen oder wollte mir das erzählen, wie aucune personne de ma famille n'a pu ou n'a voulu me raconter exactement l'histoire de mes ancêtres. Et quand on ne parle jamais d'une chose, wenn man über etwas nie spricht, dann kann man es wahrscheinlich auch eines Tages nicht mehr. Il arrive un jour où on ne peut plus du tout en parler. Mm. Ja, der Fluch kommt aus der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist etwas geschehen und dafür wird jetzt une malédiction et elle vient du passé. Bis zum Ende sozusagen. Und quelque chose a été commis dans le passé qu'il nous faudra expier jusqu'à la fin. In meinem konkreten Fall, was hat mein Urgroßvater, et dans mon cas précis, was hat der für eine Funktion gehabt innerhalb der nationalsozialistischen Partei? C'est ce qu'a commis mon arrière-grand-père. Quelle était sa fonction dans le parti nazi? Und warum hat der mitten im Krieg sein Haus ganz woanders verlassen und dieses hier? Pourquoi a-t-il quitté son ancienne maison en pleine guerre? Mitten im Krieg, wo das eigentlich nicht möglich war. Et comment a-t-il pu acquérir la nôtre alors que c'était totalement impossible? Das ist ja was, c'est sans doute une chose qui existe. Vielleicht auch etwas, was man immer wieder mal antrifft, dass einfach über Dinge, obwohl sie nicht verheimlicht werden können, taire des choses qui sont pourtant impossibles à cacher. Nicht gesprochen wird. Mais c'est très loin. Für ein Kind ist das, glaube ich, sehr, sehr très difficile à saisir pour un enfant. Weit weg und sehr wenig greifbar. Für mich war es sehr lang kein Thema. Et pour moi, ça l'est resté longtemps. Man wusste, die Großmutter ist alt. Comme ma grand-mère était âgée, und, je l'interrogeais souvent sur le passé. Die Großmutter gefragt, wie war das denn früher? Und dann hat sie, je lui demandais de me raconter comment c'était avant. Das war vielleicht ihre einzige Art und Weise, über Vergangenheit überhaupt zu reden. Elle avait une manière assez particulière de me répondre, qui était sans doute la seule façon pour elle d'évoquer ce passé. Was zum Beispiel der alte Tisch erzählen würde, wenn er sprechen könnte. Elle se mettait par exemple à me raconter ce qu'aurait pu dire la vieille table, si elle avait pu parler. Jetzt denke ich, sie war für mich im Grunde die, au fond, die Vergangenheit. Sie war die Zeit, c'est elle qui incarnait le passé. Die personifizierte Zeit. Elle était le temps. Le temps personnifié. Quand j'étais enfant, als kind, die Erzählungen der Eltern, j'écoutais ce que racontaient les adultes angehört habe, oder ihnen zugehört habe, et ils parlaient souvent de ce qui s'était passé avant, von dem, was geschehen ist. Pas de ce qui s'était passé nicht ailleurs, weit weg geschehen ist, loin de chez nous, hier, non, ce qui s'était passé ici, dans le coin, dans cette région. Das heißt, dass, die Vergangenheit, pour moi, le passé n'a jamais été quelque chose de lointain. Bien au contraire, il a toujours été extrêmement présent. Il est vrai que nous vivons ici, sur les lieux du crime, pour ainsi dire. Mein Name ist Maya Haderlap. Je m'appelle Maya Haderlap. Ich bin in Kärnten geboren, im südlichsten. Je suis née en Carinthie, à l'extrême sud de l'Autriche, juste à la frontière slovène, qui était jadis la frontière avec la Yougoslavie. Wo meine Großeltern gelebt haben und die Eltern gelebt haben. C'est là où ont vécu mes grands-parents et mes parents, et c'est là où vit mon frère aujourd'hui. In dieser gottverlassenen Ecke, könnte man sagen. C'est un coin totalement perdu, mais où il s'est passé beaucoup de choses pendant la période nazie. Sehr viel geschehen. Der Widerstand hat sich zuerst so entwickelt, nach la Carinthie est une région où les gens ont résisté. La résistance est organisée dès 1942, peu de temps après l'invasion de la Yougoslavie par Hitler et ses alliés en 1941. Mein Großvater ist zu den Partisanen gegangen. Er hat sich das Mon grand-père rejoint les partisans après avoir longuement hésité. Im Herbst 43, à l'automne 43, ja, Il a décidé de ne plus retourner dans les rangs de la Wehrmacht. Sondern ist zu den Partisanen. Das hat aber dann zur Folge gehabt, dass man die Großmutter verhaftet hat und ins Konzentrationslager. Ma grand-mère a été emprisonnée puis déportée au camp de Ravensbrück. Ich bin sehr eng mit der Großmutter verbunden gewesen. J'étais très proche de ma grand-mère. Und ich hatte eine sehr starke Bindung an sie. Nous étions très liés. Weil sie einerseits auch ein bisschen geheimnisvoll war. C'était quelqu'un d'assez mystérieux. Es war eine sehr herbe, de très sévère. Person. Und die immer wieder Geschichten erzählt hat. Die war auf mais der einen Seite sehr lustig, qui aimait raconter des histoires. Elle pouvait être très drôle. Et plus je vieillissais, plus elle se mettait à me parler des camps. Ça lui échappait peut-être tout simplement. Elle me montrait aussi sans cesse la cuillère en aluminium qu'elle avait ramenée du camp et qui figure aujourd'hui dans ma propre collection. Ce monde obscur des camps me fascinait. Des Konzentrationslagers. Also ich habe hingehört. Alors je l'écoutais. Die Kinder haben eine unglaubliche Hellhörigkeit. Les enfants ont une incroyable capacité d'écoute. Moi, j'ai reçu beaucoup de ma grand-mère maternelle, qui était une personne extrêmement importante pour moi et qui était la première à être née en France, d'une mère hongroise et d'un père français. Et je ne connais pas grand-chose de cette famille hongroise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ma grand-mère m'a dit qu'ils étaient tous morts, mais je ne sais rien. Je suis Clara Royer. Je suis née en 1981, à Paris. Quand j'étais enfant, en fait, j'imaginais la Hongrie comme une grande baraque. Ce qui est amusant quand on pense que, à l'époque, c'était encore la baraque la plus joyeuse du communisme. Sauf que ma baraque imaginaire à moi n'avait rien à voir avec le communisme, évidemment. J'avais plutôt des images assez sombres de ce que ça pouvait être la Hongrie, puisque la femme qui avait décidé de déraciner la famille de Hongrie et de l'enraciner en France, et qui portait mon prénom, qui s'appelait Clara, il y a toujours des histoires de prénoms programmatiques là-dedans, avait donc décidé de partir, donc ça ne pouvait pas être un endroit très bon. Et puis, enfant, j'avais déjà entendu parler des camps. Et en fait, moi, j'ai hérité d'une mémoire familiale extrêmement fragmentaire. Ma grand-mère me parlait plus qu'elle n'avait parlé à sa fille, je pense. C'est plutôt moi qui posais beaucoup de questions. Mais comme beaucoup d'enfants de la Shoah, ma grand-mère avait des petites phrases toutes faites, des histoires, des petites histoires qu'elle s'était faites pour elle-même, je pense, et qu'elle m'a données comme des petits cailloux, mais justement, c'était difficile de percer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je pense que pour moi, l'identité était quelque chose toujours de transgénérationnel. C'est-à-dire l'identité d'une personne était quelque chose qui se construisait aussi sur la base des trous et des couches, une espèce de maille qu'on reçoit comme ça, et que moi j'ai reçu beaucoup de ma grand-mère maternelle. Parce que le problème de cette mémoire, c'est qu'elle est trouée, elle est filandreuse, et sont des bouts, sont des petits cailloux qui sont jetés. Quel est cet héritage que nous avons reçu? Comment remplir les trous? Sind traumatische Dinge geschehen. Les événements traumatisants se fixent. Die sich über Generationen dann im Grunde auf irgendeine Art und Weise dann consciemment ou inconsciemment festgemacht haben, also ob bewusst oder unbewusst. De génération en génération. Als meine Großmutter gestorben ist, hatte ich das Gefühl, dass quand ma grand-mère est morte, nicht nur sie gestorben ist, sondern dass, j'ai l'impression que toute une époque disparaissait avec elle. Das war wie ein Verlust einer Vergangenheit, die nicht mir gehört hat. Que je perdais un passé qui n'était pas le mien. Ich habe vorher nicht gewusst, dass es den Engel des Vergessens gibt. Mais je ne savais pas à l'époque qu'il existait un ange de l'oubli. Der dafür sorgt, selon la mythologie juive, cet ange dépose un baiser sur chaque nouveau-né pour qu'il oublie l'histoire de ses ancêtres et commence une nouvelle vie. Mais l'ange perd la mémoire. Aber dieser Engel ist so vergesslich, dass er bei manchen Kindern Babys vergisst, sie zu küssen. Il oublie parfois d'embrasser certains nouveau-nés. Dès lors, ces enfants, même une fois devenus adultes, seront toujours obligés de se confronter au passé de leurs parents et grands-parents. Das ist jetzt mein Engel. Im Grunde ist das auch ein Engel des Erinnerns gewesen, nicht? C'est mon ange à présent. C'est un ange de l'oubli qui veille aussi sur la mémoire. Les retours du passé avec George Arthur Goldschmidt, écrivain, traducteur et témoin. Maya Haderlap, écrivaine. Lucia Heilmann, médecin et témoin. François Hartog, historien, spécialiste du temps. Christiane Lupa, dramaturge. Reinhard Kaiser Mühlecker, écrivain. Peter Nadosch, écrivain. Et Clara Royer, historienne et scénariste. Voix, Andrea Schiffer, Igor Menjinski, Arben Bayraktaray. Traduction, Agnieszka Zgieb. Christine Le Cerf. Documentation, Maria Contreras. Prise de son, Benjamin Thuot, Georges Thaud et Julien Calvas. Mixage, Benjamin Thuot. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous écouter avant de fouiller dans sa mémoire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue, de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, La mémoire des lieux. Mais en attendant, restez à l'écoute.